Un homme qui n'avait qu'une jambe jouait de la viole de gambe. Il avait le cheveu poivre et sel. Il jouait sur un vieux violoncelle. La suite, vous la connaissez. Jamais je ne pourrai m'enlacer. La suite, qu'on l'écoute, seul ou bien en bande, de la gigue à la sarabande, du prélude et jusqu'au menuet. Cette suite vous laissera muet. La suite, vous la connaissez, mais jamais je ne pourrai m'enlacer. La suite, un homme au milieu des colombes qui jouait comme Sainte Colombe. Quand il faisait glisser son archet, on aurait dit tous qu'il remarchait. Mais un jour l'homme s'est envolé à marcher, il préférait voler. Il a laissé là son violoncelle et il joue depuis de la lyre, de l'arc-en-ciel.